Chapitre 12. Siffleur, ongulé d'un peu plus d'un mètre au garrot, à la tête ornée d'une crête osseuse, servant à fouir le sol, à se défendre et à émettre un sifflement caractéristique, porteur selon ses modulations de différentes informations de base. Le siffleur d'élevage fournit la plus grande partie de la viande consommée en Gwendalavir. Encyclopédie du savoir et du pouvoir. Les trois jours de répit s'écoulèrent rapidement. Salim les passa dans les rues d'Aljet avec Elana et Chiam. Il appréciait de plus en plus le Fael et son sens de l'ironie, et continuait à aduler la Marchombre. La jeune femme reprit de manière intensive l'entraînement du garçon. Edwin leur avait libéré une salle d'armes, et Salim sortait de ses séances moulues, mais ravis. Les soirées que Bjorn et Maniel passèrent ensemble leur permirent de jeter les bases d'une solide amitié. Ils avaient commandé deux armures presque identiques à un célèbre artisan d'Aljet. Maniel ayant seulement demandé qu'on grave sur son plastron le rameau doré de la maison Ilmuran. Leur prix était très élevé, mais le chevalier assura son ami que cela n'avait aucune importance. Le forgeron requit deux jours de délai qu'ils employèrent à se balader et à festoyer. Maître Duhom s'enferma dans la bibliothèque et on ne fit plus que l'entrevoir. Artis, comme prévu, était parti pour Ferian et ne donnait pas signe de vie. Edwin, lui, passa le plus clair de son temps avec l'empereur, mais se débrouilla pour toujours garder un œil sur Camille. Celle-ci avait découvert les maîtres dessinateurs. Dès le premier jour, elle comprit qu'ils ne seraient peut-être pas les modèles qu'elle attendait. « Tu peux dessiner tant que tu demeures dans le palais », l'avait rassuré Maître Duhom en insistant sur la dernière partie de sa phrase. Il avait désigné du doigt les soldats en armure sombre postés dans les couloirs et les endroits stratégiques. Les hommes de la Légion Noire sont capables d'exterminer tout assassin que les Tzlich seraient assez sots pour envoyer ici. C'est leur principale tâche depuis quelques mois et ils ont démontré leur efficacité. Profites-en pour dessiner. Quand nous repartirons, il te faudra de nouveau t'abstenir. Le premier exercice proposé par les maîtres fut la création d'une flamme. Camille se souvint d'une phrase d'Edwin. Allumer le feu à l'aide d'un graphe est une chose que beaucoup de gens savent faire ici. En poussant un soupir de résignation, elle obtempéra. Son dessin, pour simple qu'il fût, impressionna fortement les maîtres qui se regardèrent surpris. La suite fut à peine plus complexe. Une heure plus tard, Camille s'ennuyait à mourir. J'ai l'impression d'être de nouveau au collège, songea-t-elle. Elle s'obligea pourtant à poursuivre sans rechigner, et en fut récompensée. Ses professeurs interrompirent leur programme, et l'un d'eux, Maître Ellis, s'adressa à elle. « Excusez-nous, jeune fille, si nos exercices vous ont paru simplistes. Nous voulions être certains que vous étiez aussi douée qu'on nous l'annonçait. Si vous êtes d'accord, passons maintenant au travail que nous réservons d'ordinaire aux élèves beaucoup plus âgés que vous. » Camille respira. Elle allait enfin s'amuser. Elle ne fut pas déçue. Les maîtres dessinateurs la mirent face à d'astucieux défis où sa rapidité et son imagination comptaient autant que son pouvoir. Elle dut créer de l'eau, du feu et toutes sortes de matières pour répondre aux exigences toujours plus grandes des enseignants. Elle jongla avec les couleurs, les formes, les textures et à chaque piège, trouva une réponse. Quand le cours s'acheva, elle fut chaudement félicitée. « À demain !» lui lança Maître Ellis. « Nous avons travaillé la créativité et vous avez été remarquable. Le verrou dans les spires nous interdit d'explorer l'axe du pouvoir. Aussi, lors de la prochaine séance, nous privilégierons la volonté. J'ai hâte de vous pousser dans vos retranchements et de trouver vos limites. » Camille ne voulait pas paraître prétentieuse, aussi ne releva-t-elle pas cette dernière phrase. Elle se savait très loin d'approcher ses limites. La séance du lendemain consista en un affrontement de volonté. Une boule blanche, en verre, d'un mètre de diamètre, avait été posée sur une table. Maître Ellis la montra à Camille en lui expliquant l'exercice. « C'est très simple. Je vais colorer cette sphère en rouge et vous vous efforcerez de la rendre bleue. Vous êtes prête ?» Camille hocha la tête et immédiatement le dessin du professeur se matérialisa. La boule devint écarlate. À son tour, elle se jeta dans l'imagination. Elle n'eut aucune difficulté à intervenir dans la création de Maître Élis, et la grosse sphère, abandonnant le rouge, se teinta d'une jolie couleur turquoise. Le professeur tenta de reprendre le contrôle du dessin. Avec intérêt, Camille vit ses efforts se briser contre sa couleur sans qu'elle ressente la moindre tension. Le front de l'enseignant s'emperla de sueur. Il se tourna, stupéfait, vers ses confrères. Ils échangèrent un regard et Camille les sentit se lancer, eux aussi, dans les spires. L'air autour de la boule parut crépiter d'une vague lueur vermeille, mais l'objet garda sa parfaite couleur bleue. Les cinq professeurs redoublèrent d'efforts, en vain. Au bout de quelques minutes de cette joute stérile, Camille en eut assez. Elle se rendait compte que les maîtres dessinateurs n'admettraient jamais leur défaite, comme elle savait qu'ils n'avaient aucune chance de réussir. Aurait-elle été moins sûre de sa supériorité, elle les aurait laissés gagner, par simple courtoisie. Mais qu'ils aient uni leur pouvoir alors qu'il s'agissait au départ d'un défi de Maître Élis ne lui semblait pas des plus honnêtes. Elle modifia légèrement son dessin. La sphère commença à clignoter. Turquoise, marine, turquoise, marine, turquoise. Une inscription s'étala sur sa surface en lettres dorées. Tricher n'est pas jouer. Cette tentative d'humour marqua la fin des leçons de Camille. Les maîtres dessinateurs lâchèrent prise, l'air atrocement vexé, et se retirèrent sans un mot. C'était juste pour rigoler, essaya d'expliquer Camille à Maître Douhomme un peu plus tard. L'analyste ne put s'empêcher de sourire. Je ne nie pas que ce devait être joli, mais tu ne t'es guère montré diplomate. Je vous assure qu'ils sont mauvais. Ils sont moins bons que toi, corrigea Maître Douhomme. Mais ça, on s'en doutait. Il n'en reste pas moins d'excellents professeurs quand ils ont affaire à des élèves normaux. Tu es peut-être la meilleure dessinatrice qui ait vu le jour depuis Merwin. N'en profite pas pour accabler de pauvres pédagogues. Camille leva les yeux au ciel. J'étais censée apprendre. Le vieil analyste lui lança un regard énigmatique. Qui sait si tu n'as pas appris, Willan? Qui sait? Camille retrouva Salim, Elana et Chiam. Ils visitèrent Aljet, profitant au mieux de ses merveilles. Ils furent rejoints par Bjorn et Maniel, qui avaient reçu livraison de leurs armures, puis par Artis Valpierre, qui leur annonça sa participation à la suite du voyage. Quand Edwin les avertit que le départ était proche, un même frisson d'exaltation les parcourut. Les liens qui les unissaient s'étaient encore renforcés. Jusqu'à Chiam Vite qui, pour la première fois de sa vie, se prenait à apprécier le contact des humains au point de ne pas songer à les quitter. Camille, au-delà de sa mission, attendait avec impatience l'instant où elle rencontrerait Eléa Rilmorienval. Elle allait obliger la sentinelle à lui révéler où étaient ses parents, et rien ne l'empêcherait de les sauver.